émission, une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Dinos. Passez une bonne soirée même en ce jour férié. Nous sommes en direct 19h54 avec Dinos Punchlinovic qui vient d'arriver à l'instant. Ouais, je sors du grec là. Tu l'as racheté? Le grec de ma thèse, à l'aise, ma mère. Ça va bien? Attends, je m'assois bien parce que là j'ai l'air un peu. Installe-toi bien. C'est bon. Ça y est? Ouais. T'es posé, t'es prêt pour passer une heure dans Planète Rap? Prêt pour passer une vraie heure dans Planète Rap. Une vraie heure, et aujourd'hui il y a eu de l'actu pour Dinos, donc pas de jour férié, je le disais. Pas de jour férié. Toi, pour le 8 mai, t'as balancé un clip de circonstance. Un vrai clip, un vrai bail. Avec des pères. Ah bah, des sacrés pères. Donc, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont réagi, il y a des gens qui ont aimé. Le morceau s'appelle Pawg, P-A-W-G, Fallas White Girl. Produit par Richie, mon négro. Tourné à Marseille avec Charlie Clojon. Mm-hmm. Hashtag Dinos Pawg pour réagir. Et hashtag Dinos sur Skyrock pour réagir aussi sur les réseaux sociaux, @punchydinos, P-U-N-C-H-Y-D-I-N-O-S. Il paraît d'ailleurs ce soir que les filles du clip viennent. Il y aura leur esprit, leur sous-vêtement. Il y aura leur sous-vêtement. Il paraît. Oh, t'as bien t'amusé quand même au tournage, hein. C'était d'être sympa l'ambiance. C'était pas mal, c'était cool. Bon, allez mater le clip tout à l'heure là pendant la page de pub par exemple, hein, pour aller mater le clip de Dinos Punchlinovic. On va profiter de toi et puis on va rappeler aussi ce qui s'est passé hier soir. Pour ceux qui n'étaient pas là, on a eu un gros live. Tu es venu aussi avec une jeune artiste. Exactement. Qui a bouleversé pas mal de monde. Siana. On a ramené ça propre, elle a kické propre, elle a fait les bails propres, tous les bails. Et bah tiens, ça donnait ça hier soir dans l'émission. Bitch, c'est un big deal, Dream Chaser, Mick Mill, je répète, c'est un big deal. Sur la prod MC, j'en nique mille. Des gains, laissez parler les mêmes, tes ladies sont pétées, donc ça se rappelle les miennes. Tu m'entends du rapper, t'as crié, amen. Tu connais des rappeurs, je t'en prie, ramène pas le temps de parler. Je prends place dans l'arène, il fallait du nouveau dans le rap. J'ai la même, que tu sois là ou non, de toute façon, c'est la même. Je suis venu, j'ai vu et j'ai foutu la merde. Je rentre par effraction comme Emile, par effraction comme Emile. J'ai la flemme de faire une rime sur la dernière mesure. Je suis pas dans vos guerres de rappeurs. Non, les mecs, faites gaffe à vous. S'il y en a un qui me classe, je lui réponds pas. J'appelle le marabout. Le négro m'appelle mon frère, sans savoir que je t'aime sa sœur. Devinette, je suis un ch'ti ou un Lannister. Bien aucun de tes potes me ferait. Je suis à propos de racheter mon label et faire passer le chèque en note de frais. Ouais, mon frère, arrête de jouer les grands. Tu te prends pour un meurtrier alors que t'arrives même pas à tuer le temps. Gars. Voilà, petit aperçu, hein, mais sinon l'intégralité du live est dispo sur le skyrock.fm, sur le planetrap.skyrock.com pour retrouver Dinos Punchlinovic. Aga. Et c'était une belle soirée encore hier, ce soir aussi. Attends, je reçois un texto. Ah bah c'est la meuf de Pawg qui... qui arrive. Ah je déconne. Laquelle, l'a tatouée ou les autres? Et donc tu disais? Non, je disais, ce soir, tiens, que va-t-il se passer dans l'émission Dinos? Alors ce soir, j'ai ramené des têtes, des bonnes têtes, des mecs de là où je viens, de la Courneuve, d'Aubervilliers, c'est là où j'ai grandi, et du Bourget, donc voilà quoi. Donc c'est le 9-3 ce soir. Le 93, ouais, des mecs que j'ai côtoyés en commençant le rap. Et bon, donc, on voilà, les découvrira d'ici quelques minutes sur Skyrock. Dans le freestyle. En attendant, le EP apparence est toujours digitalement dans les bacs. On peut y aller, on peut cliquer dès ce soir pour le récupérer. Cliquez. Allez-y, et on écoute donc ce fameux morceau qui est arrivé aujourd'hui en image. Pawg. Et le son sur Skyrock tout de suite. Pawg. Sur son boule, m'endormirai sur son boule. Bam bam bam, m'endormirai sur son boule. Hey, m'endormirai sur son boule. Bam bam bam, m'endormirai sur son boule. M'endormirai sur son boule. Bam bam bam, m'endormirai sur son boule. M'endormirai sur son boule. Et le jour d'après, je la laisse en R. Le jour d'après, je la laisse en R. Le jour d'après, je la laisse en R. Le jour d'après, v'là les emmerdes. J'm'endormirai sur son boule. Hey. M'endormirai sur son boule. Bam bam bam. J'm'endormirai sur son boule. Yeah. M'endormirai sur son boule. Dans 6 mois, change de pays. J'suis à 2 doigts de m'ouvrir les veines. J'en ai ras-le-bol d'être un génie, chérie. J'connais des Carolines et des Charles. J'suis un Shaolin, j'fais des Charlines, pas des shout-out. Même sans bave, ne jamais passer aux aveux. M'amène, j'pourrais vendre des lunettes à un aveugle. Veulent me tirer les verres du nez comme si j'étais Imhotep. Mais gros, c'est quoi les bails, c'est quoi les hypothèques? J'mets des panenka. Ah. Le futur, j'veux retourner dans le passé, qu'elle soit capable. Sans attraper le das. La courneuf, ça me la zizanie. Zizanie. Un peu plus épaisse que les sourds, tu peux m'endors sur les toits. On est en TT, troisième en TT, j'espère qu'on va te démon. Faire des chèques en bois, les gros te fâchent pas. Je kiffe écouter ton CD quand mes enceintes mangent pas. Yo, 12 mesures de guerre, concurrence à terre. J'ai tout un crew en dessous de ma paire de converse. Non, mais. M'appelle pas mon frère, sinon je te coupe le bras, je te force à faire la quenelle. Yo, père, père, père. On est dedans, on est dedans, on est dedans, les gros, on est dedans. Je me sens élan, je me sens les bras, je me sens guélan, je me sens les dents. Je m'endormirai sur son boule, m'endormirai sur son boule. Père, père, père. Je m'endormirai sur son boule, je m'endormirai sur son boule. Yo, père, père, père. Je m'endormirai sur son boule, m'endormirai sur son boule. Père, père, père. Je m'endormirai sur son boule, m'endormirai sur son boule. Le jour d'après, je la laisse sans air. Le jour d'après, je la laisse sans air. Le jour d'après, je la laisse même en D, mon pote. Le jour d'après, je la laisse en père, père, père. Je m'endormirai sur son boule. M'endormirai sur son boule. Père, père, père. Je m'endormirai sur son boule. M'endormirai sur son boule. Check. Ne parle pas d'amitié, je suis là pour faire l'oseille. Je sers que des avions, je charge du kérosène. Je suis un tas de merde. Parfois j'écoute mes sons et je me dis que je suis trop fort, la putain de sa mère. Tous ces négros, je les tue. Je ken comme un malade, je veux pas ton fun tel, mais ton numéro de sécu. Des pargues et des tasses, pédé. La meuf, je suis instrumental, tout le monde l'a kické, c'est une phase B. J'ai perdu la tête, et c'est pas m'étrangler. T'es ridicule comme un vampire avec des dents de lait. Dans le métro sans m'hyper, je croise des groupies. Je simule un coup de fil. Si je vois un contrôleur, je me transforme. Je mets une balayette en disant please, my nigga, be to the train at the platform. Yeah. À vrai dire, je la fous à ta place. En roleplay dans la cuisine, Hakuna Matata. Faire le full over jamais. Full over jamais. Et gros, je suis dans sa jeu d'or. Pendant que tu l'attends devant le footlocker de Châtelet. Footlocker de Châtelet. Footlocker de Châtelet. Et gros, je suis dans sa jeu d'or. Pendant que tu l'attends devant le footlocker de Châtelet. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Père, père, père. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Père, père, père. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Le jour d'après, je la laisse en R. Le jour d'après, je la laisse en R. Le jour d'après, je la laisse en R. Le jour d'après, je la laisse en R. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Père, père, père. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Et le jour d'après, je la laisse en R. Le jour d'après, je la laisse en R. Le jour d'après, je la laisse en R. Le jour d'après, je la laisse en R. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Dear Aga. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son ah. Je m'endormirai sur son ah. Ça va, on dort bien dessus, non? On dort bien, frère. Des bails de je bave sur les fesses, tous les bails. Oh, la grande classe. Des bails de ronflage, tout. Dinos Penchlainovic avec nous tous les soirs de la semaine entre 20 et 21 avec le hashtag Dinos sur Skyrock. Vous balancez des messages. Je rappelle que le clip, les images sont disponibles là depuis quelques heures. Ouais, on est, lorsque le clip est sorti, on était troisième. Oui, j'ai vu tout à l'heure. Donc c'est cool. Vraiment merci. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié. Beaucoup de gens qui m'ont, qui veulent le contact de la meuf, short en jean. Mm-hmm. Donc voilà, quoi. Et voilà, je vais vous passer son numéro. Bah, chacun a ses préférences, hein. Ouais. Ah, tu me files le numéro, vas-y. Ouais. Non, je déconne. 06. Ça commence comme ça après, vas-y, la suite. Et là, je passe le mien, tu vois. Bien. Et, ouais, non, c'était vraiment, on a bien tourné. On a eu des galères. Quelle galère? En fait, il y a une fille dans le clip. À part des maillots qui peuvent sauter, c'est quoi les galères? Il y a une fille dans le clip qui devait venir le lendemain parce qu'on tournait en deux jours. Et le jour où elle arrivait, bon, en fait, elle a cartonné. Elle est partie à l'hôpital. Oh non, ça va pas, c'est dur. Bah, une opération, tout ça. Bon, elle va mieux. Elle va mieux, ouais. T'as pris des nouvelles? Ouais, j'ai pris des nouvelles. Ouais, c'est de bon rétablissement en tout cas. Ouais, non, mais c'est bien rétabli. Bon, voilà, tant mieux. Merci à elle d'avoir participé. Merci à toutes les filles qui ont participé. Merci à toutes ces pa-pa-pa-pa. Merci à Charlie qui a réalisé le clip. Et merci à vous qui avez apprécié. Qui avez poussé ce truc sur Twitter tout à l'heure. Allez-y, 41-759 pour poser vos questions à Dinos, notre invité. Moi, j'ai une petite question pour vous pour repartir cette semaine avec des vinyles dédicacés. Tu vas dédicacer des vinyles. Ouais. Une question assez simple, puisqu'on en a parlé hier et ce soir, on va en reparler aussi. Comment s'appelle ton collectif? Le nom du collectif qui viendra j'ai tout à l'heure. J'ai le droit de donner la réponse non. ou pas? Ah, okay. Non. Ok. Okay. On l'a dit hier en plus, on en a parlé hier. On a dit que tu faisais partie d'un collectif là, bah justement avec des gens d'Aubervilliers, de la Courneuve, du Bourget. Donc si vous avez la réponse, vous envoyez au 41-759 avec votre prénom, numéro de téléphone ou alors avec l'hashtag Dinos sur Skyrock. On va mettre aussi un autre morceau maintenant du projet, du EP alors, Apparence. Je pense qu'on va mettre un morceau dont on n'a pas beaucoup parlé. Oui. Qu'on n'a pas encore écouté. Avec Némir. Un morceau qui s'appelle Destin commun avec Némir. Qui, en fait, c'est un jour. J'ai beaucoup de flash dans ma tête, tu vois. Quand, dans tout ce que je fais, en fait, chaque mot, chaque situation que je vois peut m'inspirer un thème. Mmh. Et un jour, j'étais dans le métro et je me suis assis et je me suis dit, putain, ça se trouve, la meuf d'en face, elle s'est fait violer hier. Le mec à côté sort de prison, il a un bracelet électronique. La meuf à côté, à son père, il souffre d'un cancer, mais elle le sait pas encore. Elle sourit avec lui alors qu'il va bientôt mourir, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça. Il est plutôt négatif. Ouais, les trucs t'as positifs pas, ouais, aussi. Ouais, les trucs positifs. J'étais pas dit, enfin, putain, lui, ça se trouve, il a gagné 100 millions d'euros l'autre. Ouais, des trucs positifs aussi. Et bah, le mec, il y a tous les wagons de la terre. Mais cet enfoiré, il vient dans ton wagon pour faire de l'accordéon. Lui, je sais pas comment il fait, par exemple. Il est super fort, tu vois. Et voilà quoi. Et c'est ça le morceau. Et Némir nous a passé sa voix, nous a prêté sa voix. Il chante d'ailleurs beaucoup, hein, Némir. C'est vrai, ces derniers temps, il a testé le chant et ça lui va plutôt bien d'ailleurs. Ça lui va plutôt bien, ouais. C'était le plus apte à nous faire ce refrain. Produit par Blastar. Prod de Blastar, donc voilà quoi. Bah, c'est bien en tout cas, voilà l'idée de ce morceau. Parce que c'est vrai qu'on croise tout le temps plein de gens. Ouais. À qui généralement on n'adresse pas la parole. Ouais. Que ce soit en effet. Mais moi je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur beaucoup de questions existentielles assez bizarres. Et un jour je me suis demandé vraiment dans la rame de métro, je me suis demandé putain mais qu'est-ce qu'il Quelle fait vie. C'est quoi sa vie lui? C'est quoi sa vie lui? Voilà quoi. Peut-être qu'il y en a aussi en te voyant, on dit mais c'est quoi sa vie à lui? C'est quoi sa vie à lui? Non, ce qui est relou, c'est quand les gens veulent prendre des photos avec toi dans la rue et que tu sais, il y a des gens qui te connaissent pas. Alors c'est qui lui? C'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah bah oui, ça t'as découvert en même temps ça assez récemment maintenant, comme il y a pas mal d'images et tout autour de ouais, toi, il y a des clips. Ouais. C'est bizarre ou on s'habitue assez facilement mine de rien? Ça dépend, tu sais, quand t'es avec une fille et que quelqu'un vient de prendre la photo. Tu vois, il y a un jeu. Mais quand t'as ED avec ta daronne, tu pousses le caddie et quelqu'un va te prendre en photo et que t'es en jogging, bah. Oui, parce que ta vie pour l'instant n'a pas totalement changé. C'est moi, elle changera dans longtemps, ma vie. Elle est trop bien comme ça. Toujours dans le même quartier, toujours pareil. Je resterai chez ma daronne. En fait, j'ai dit à ma mère il y a deux jours que je partirai pas. Parce que si je pars, il y aura plus l'adrénaline de. Tu sais, quand il est 1h du matin, que tu vas dans le frigo et que tu bois dans la bouteille comme ça en cachette, et tu sais. Quand quelqu'un vient t'attraper, tu sais, il y a de l'adrénaline, tu vois. Et là, si genre, je pars putain, de chez moi, grillon, tu vois, si je pars de chez moi, il y aura plus cette adrénaline là, donc c'est pour ça que je reste chez moi, en fait. Ça va te manquer. Donc voilà. Ta pauvre maman qui se disait, putain, il va se barrer, essayer, il fait de la musique, ça marche pour lui, il va bientôt se casser, et ben non. Et ben non. Et ben non, il reste. Et ben non. Vous êtes nombreux dans la famille, vous, Dinos, ou pas? On est trois. Vous êtes trois? Une petite sœur et un grand frère qui est derrière moi. Qui est derrière toi? Derrière moi. Qui pareil t'a initié au rap ou qui faisait du rap? Non, il m'a juste mais j'écoutais beaucoup ce qu'il faisait, enfin ce qu'il écoutait lui. Ce qu'il écoutait, ouais. C'est-à-dire le secteur A, les bails de tout secteur A, Michael Jackson, Neg Marron, Doc Gynéco, tous ces trucs-là en fait. Donc ouais, la grosse époque secteur A. Ouais, quand j'étais petit, il me faisait, je voulais son Walkman en cachette. Et j'avais écouté. J'ai vu sur ses lèvres enfoiré, va. Ouais, je voulais son Walkman en cachette et j'écoutais ses bails tout. T'as surpris le grand frère dans le frigo, la tête dans le frigo ou pas? Ben il le fait mon frère, on le fait. On le fait tous. Ah oui, vous êtes une équipe les deux. Ah frère, on le fait tous, on fait trop de bails bizarres. On fait un bisou à ma maman en tout cas. Bisous maman. Allez, on écoute le son maintenant, extrait de EP Apparence avec Némir sur Skyrock. Exact. Sur le cœur avec du Jim Fett dans les oreilles, Steve Mack, c'est reparti de plus belle dans les hauteurs de la ligne 7. Vite F, je m'assois, j'écris ce texte, j'aperçois un sourire sincère d'une fille envers son père qui ne sait pas encore qu'il souffre à cancer. Mec qui parle mal à la meuf d'en face alors qu'elle lui plaît. Monde à l'envers, qui veut la guerre prépare la paix. Un riche juif, un pauvre arabe, la barrière de la parole. Les deux odeurs se mélangent, l'Ariel, la Charonne, merde. profil cette tête vénère qui regarde ce barbu, c'est pas une bombe, c'est un sac d'habits pour l'UNICEF, espèce de vieille légère. Te fie pas aux apparences, méfie-toi des bonnes personnes. Le mec qui vient de sortir du train a ton portefeuille dans la poche. Cheer. L'atmosphère est crispée, les gens sont si méfiants. Nos vies sont similaires, mais si différentes. Et si un jour t'as du mal à relever la tête, dis-toi que la vie des gens autour de toi est peut-être pire que la tienne. Les journées ressemblent aux tiennes. Cheer. Aujourd'hui comme hier. Différents similaires, au-delà des apparences. Est-ce qu'on voit ce qu'il y a derrière? Ce qu'il y a derrière. Vraiment voir ce qu'il y a derrière. On va procéder au contrôle des titres de transport. Transport. Je vais être froid avec toi, négro, j'ai pas de ticket. Une pièce d'identité. En plus de ça, je suis fatigué. T'auras beau me dire, ça sert à payer le conducteur. Je m'en bats les couilles. Je me faire taxer le quart de mes droits d'auteur. Et quant à vous, c'est que vous auriez pu être ma tante. Mais c'est pas parce que vous appelez en Afrique que tout le wagon doit vous entendre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je fais si peur que ça. Et pourquoi tu manges un sandwich, mon frère? Il est 10h du mat. Merde, je viens d'effrayer la petite derrière. Des traces de coups sur ses mains. Et un pack de 5 bières dans le sac de son père. 14 lignes de métro, 7 wagons. Comme par hasard, c'est le mec que t'as choisi pour jouer de l'accordéon. Merde. L'atmosphère est crispée, les gens sont si méfiants. Nos vies sont similaires, mais si différentes. Et si un jour t'as du mal à relever la tête, dis-toi que la vie des gens autour de toi est peut-être pire que la tienne. Les journées ressemblent aux tiennes. Aujourd'hui comme hier. Différents similaires, au-delà des apparences. Laisse-moi voir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière. Fais-moi voir ce qu'il y a derrière. L'atmosphère est crispée, les gens sont si méfiants. Nos vies sont similaires, mais si différentes. Et si un jour t'as du mal à relever la tête, dis-toi que la vie des gens autour de toi était pire que la tienne. Les journées ressemblent aux tiennes. Aujourd'hui comme hier. Différents similaires, au-delà des apparences. Laisse-moi voir ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a Dino Schleinovic avec un extrait de du EP Apparence. Exact. Où on retrouve Némir dessus aussi. Exact. Donc le voilà, seul invité. Ce morceau qui a été inspiré par le métro. Ouais. Par les rencontres dans le métro. Ouais. Mais les rencontres peuvent être partout dans la rue. Hein. Grave. T'as eu des belles rencontres comme ça toi parfois ou pas dans le métro ou ailleurs? Des rencontres qui t'ont marqué, qui t'ont surprise. Non, t'es pas obligé. Hein. Le rappeur roumain de la ligne 2 là. Ah ouais? Ouais, il y a un rappeur ouais, sur les. C'est vrai. Un roumain qui rappe du Tupac, tout ça, ça c'était chaud. À part ça, je dois sûrement en avoir, on en a tous eu, mais je me souviens pas. Ouais. Bon, si ça te revient. Ouais. N'hésite pas. Bon, dans un instant sur Skyrock, il y aura du live à pas louper avec Dinos Punchlinovic. Il est avec nous tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. On aura le temps d'écouter aussi peut-être un autre morceau. Exactement. Lequel tu penses à un en particulier ou pas, Dinos? Je pense au morceau qu'on met souvent. Le morceau de base, Namek. Namek ? Ouais. Très bien, bah bougez pas. Et je crois que nous avons quelqu'un qui a la bonne réponse. Il y a quelques minutes, je vous posais cette question. Comment s'appelle le collectif de Dinos ? Et la réponse nous est apportée par Fabien. Allô Fabien ? Salut. Ça va bien Fabien ? Mon pote. Ouais, tranquille. Ah bah tout jeune Fabien. Ouais, 14 ans. 14 piges, ça va ? Ouais. T'appelles d'où ? De Guilly-Moutis, à côté de Lens, en 6-2. Ok, dans le 6-2, en force. Donc toi, j'ai posé une question. Est-ce que tu as la bonne réponse? Comment s'appelle le collectif de Dinos? Capsule Corps. Ah bien, bon, ma bien, bien, bien. Tu auras ton vinyle dédicacé avec une photo de Lisa Anne à l'intérieur. Faut pas que ta mère voit. Vinyle, c'est un truc d'il y a très longtemps. Tu vas voir, Fabien, ça. Ouais, ouais. <C'est vrai. rire> trucs qui n'existent plus, mais Dinos, on a fait quelques-uns. Exact. Non, mais voilà, on t'envoie ça, c'est toujours plaisir. Moi, j'aime bien les objets. J'aime bien avoir les objets. Moi aussi. Après, le vinyle, c'est quelque chose de, ouais, d'assez emblématique et d'assez prestigieux, je trouve, moi. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait. Eh bah, ben, Fabien, il est pour toi, le vinyle dédicacé. T'as une question, une dédicace? Vas-y, c'est le moment où jamais, Fabien. Ouais, bah, dédicace au collège David Marcel. Voilà. Eh bah, ça roule. Ça va, t'as fini les vacances, toi, ou il te reste encore quelques jours? Ouais, bah, non, j'ai fini. Ah, c'est fini, ouais. Donc, demain, retour, y a pas le pont, tu fais pas le pont? Non, je fais pas le pont. Eh bah, bon courage, tu commences à quelle heure, toi, demain, les cours, Fabien? 8h. 8h avec cours de physique-chimie. Il s'appelle comment, ton prof? Madame Mikulajewski, je balance tout. T'as envie de l'insulter? Non, c'est bon, on va. Non, surtout pas. On va éviter à Fabien d'avoir des ennuis, elle est super, sa prof. C'est quoi, la physique-chimie, elle défonce. Il est tellement content, regarde comme il est heureux de la retrouver demain matin à 8h. Merci à toi, Fabien. Ouais, de rien. Ciao. Toi, tu te souviens de tes profs sans balancer les noms, hein? Ah, je balance sans problème. J'avais mis une main à ma prof d'SVT, madame tout. Et elle, c'était la plus rude? Non, j'avais un prof, je crois que c'était un grand de la thèse, parce qu'il faisait des bails chelous. Il disait, j'étais en réunion, il n'y a pas cours, et tu le vois, il est dans la rue, il est en train de fumer des bails chelous, tout ça. Fumer ses bédos et tout? Fumer tout. Il y a un mec un grand de ma cité aussi qui est devenu prof de maths. Mmh. Et ça me fait très bizarre parce que je le connais dans ma cité, moi. Donc je me demande comment il est avec ses élèves, tu vois. Bah, il est bien. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il doit être bien. Je sais pas. J'avais un prof béninois aussi, il nous parlait de l'histoire de Marabout, tout ça. Pff, frère, les bails chelous. C'était un prof de quoi? Prof de, d'économie. Économie? Ouais. Donc voilà quoi. T'as fait quoi, toi? Bac STG. Ah oui, c'est ça. On avait parlé en début de semaine. Ouais. Bon, bougez pas, dans un instant, on va être de retour avec Namek, le morceau de Dinos Punchline Novich. Produit par mon négro Richie. On vous attend, et donc Capsule Corp sera aussi au micro, une partie. Hein, non, ouais, une partie du crew. Une Après, partie. Les autres, c'est les mecs d'Aubervilliers et de la Courneuve. Qui font pas partie du collectif. Non. Mais il y aura un gros live d'ici un petit quart d'heure maintenant, bougez pas, on revient juste après ça. Comme toi, Dinos a choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Namek, Dinos Punchlinovich, avant de le retrouver en live pour un gros freestyle d'ici quelques minutes sur Skyrock, c'est Planet Rap. Mesures de guerre, concurrence par terre. Les gros, j'ai tout un crew en dessous de ma paire de Nike Air. J'm'almène le rap guerre. Si j'fais disque d'or, j'rachète le grec de ma thèse. À l'aise, ma mène, j'éclate les wakens. Ayo, Renoir, j'm'appelle Jules, j'suis né par césarienne. Volant se transforme en moltonnel. Je passe mes vacances sur la lune Apollo 13, où je me bats en croisière. Roland Garros sous le casino, où je touche le jackpot en 3-7. Mets du son dans la benne. Suffit d'un headshot pour te mettre du plomb dans la tête. Bang. La vie est bien trop belle pour se prendre la tête. J'gratte mes textes à la salle du temps et j'vais me poser sur Namek. J'gratte mes textes à la salle du temps et j'vais me poser sur Namek. J'm'applique et j'kick sec. Ma rime se disperse. Ouais, j'lis là, j'vois tes tweets. J'aime le rap français. Merci Jackie et Michel. Les négros foutent les nerfs. Vous prenez pas pour Moïse. On a dit pas les nerfs. Merde, je le répète pour 4-5 frères. Frère, le savoir est une arme. J'ai un bac plus 3-5-7. J'ai le ballon comme Piccolo. Ils sont verts comme des Namek. M sur le front, l'héritier du trône des Saiyens. J'ai tendu la main, j'ai fini Théodore Baguel. Depuis je suis comme Zidane, je sais plus où donner de la tête. Avant de parler de rap, bien déclare-toi l'assassin. Moi, je suis peut-être sur du tox, moi, mais tu le sauras jamais, moi. À peine. La vie est bien trop belle pour se prendre la tête. J'gratte mes textes à la salle du temps et je vais me poser sur un mec. Poser sur Namek. J'rate mes textes à la salle du temps et j'vais me poser sur Namek. La vie est bien trop belle pour se prendre la tête. Je gratte mes textes à la salle du temps et je vais me poser sur ma mec. Poser sur ma mec. Poser sur ma mec. Je gratte mes textes à la salle du temps et je vais me poser sur ma mec. Namek, Namek, et je vais me poser sur Namek, hey, Namek, poser sur Namek, négro, hey yo, je vais me poser sur Namek. Je me pose sur Namek, négro. Namek, à l'instant, c'est extrait du projet, le EP Apparence de Dinos Punchlinovic avec nous et avec du freestyle dans, allez, dans un instant. Dans une, ouais, dans quelques temps. Dans quelques minutes. Dans quelques temps. Dans quelques minutes. Ouais. Juste avant, je te présente Bratso de Goussainville. Salut Bratso. Salut, ça va ou quoi? Ça va et toi? Bratso, ça va ou quoi mon pote? On est là, ça va? Tranquille. Tu connais calme, Dinos? Ouais. Le P apparence est dans les bacs Bratso et toi tu viens rapper, c'est l'heure du freestyle par téléphone? Ouais, vas-y, on est prêt, on est chaud. Bah si, t'es on chaud. Est chaud. Et ben on y vas-y. Va. Ok. 1. Bratso, my man. Wesh, le game. 9-5, la femme. Je me suis perdu sur le droit chemin. Seul le diable a klaxonné, perturbé, mais je m'abstiens. Mes douleurs sont fractionnées, ma tête en désordre. Entre haine et peine, je suis mal ordonné. C'est juste parce que je me l'ai ordonné, je pourrais pardonner. Je veux code plus les cours. Ma mère sera plus sécurisée. J'écrirai mes textes au trou. Si je serais pas scolarisé, puis j'en ai la plus méguisée. Je vois mon papier, je trouve ton cœur. Les pics, c'est pour les rages. Je ma feuille dans son service. Va leur dire que je rapperai. Faut que ton rappeur préféré, c'est qu'il m'écoute bien et qu'il attend que je pète mon préféré. Faut plus qu'un silence pour me faire taire. Je suis au courant qu'on n'obtient pas le gamos avec des paraités qu'on bondit pas sur terre. Trop vrai pour plaire. Validé par la street et le maire. J'ai grandi sans père. Sur deux promesses que tu seras mère. Y'a qu'à travers les choses simples que mon sourire est sincère. Venu poussière au monde, la vie nous balayera cette sorcière. J'ai toujours marché seul, frérot. J'suis pas une mère. J'suis pas entouré que mes couilles se lèvent. J'suis sans plus dingue. Et toi, elle bien au contraire. Respect aux anciens pour la plupart poussière. C'est leur gosse. Dire que je les voyais tous mourir dans le bloc. Ok. C'est le game. Rasto my man. Si, si, la famille. Ok, Bratso, à l'instant de Goussainville. Carré. Ouais. Efficace, Bratso. Okay, t'as une petite dédicace à passer, on t'écoute. Non, tranquillement, juste la page Facebook, Bratso95. BRATSO. Débrouille artiste, volume 2, bientôt sur iTunes. On bosse, il y a le freestyle AMG qu'on a envoyé hier. Et voilà, c'est tout. Eh ben, merci à toi, Bratso. Merci à vous. Et merci bon courage pour la suite. On est avec Dinos Punchlinovic sur Skyrock. Prêt pour le live? Ouais. T'es prêt à attaquer? Donc présente-nous un petit peu qui va venir au micro avec toi. Alors, j'ai ramené des gens du même endroit, mais d'endroits différents en même temps. Donc, je fais un tour de table. T'as Flex qui vient de la Courneuve, du Moulin-Neuf. T'as Tony Carino qui vient du Bourget. T'as Bramax qui vient des 4 Cusses, mais qui rappe pas. T'as Spark qui vient du Mile, cité des 4000. Farid, Bourget, Drancy. Bibi qui vient de la Mala 800, Aubervilliers. Ouswaze, Aubervilliers, Crève-Cœur. Et voilà quoi, bon, c'est tout, si j'oublie personne. Tous les gens qui t'entourent, que tu croises. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde, on peut y aller, hein? Ouais, on peut y aller. Session live maintenant dans l'émission dans Planète Rap avec Dinos Punchlinovic. Gir. Apparence négro. Gir. Ya. Un. Dédicace mes versets aux peu de gens qui me comprennent. Mes sentiments sont clandestins vu que l'amour n'a pas de frontières. Veux de la autour du bras, rouler en DLS. Braque la bijouterie et puis t'auras des gourmets de CRS. Pas besoin de t'aspé, j'ai les bijoux de ta mise. Non, pas besoin de chaîne en or, j'ai des bijoux de famille. Oh, dépourvu de tout bien, j'm'agrippe à ma rime. J'suis comme un amputé des jambes, personne m'arrive à la cheville. On veut rapper toutes nos vies sans jamais taffer. Mais comme on peut pas, on oublie, se tape des barres et déconne. si le rap c'est une prison, je suis venu évader mes cums. Pour les mauvaises langues, j'ai dû vader mes cums. Trop de 16 mesures, de vrai texte, je te jure. J'ai une gueule de Mamadou, je peux pas être la tête de Turc. Je suis pas le genre de MC à se vanter de son gros chibre. Je me raconterai quand Barthes fera un brushing. Tu penses voir me clasher? Foutu trou de balle, j'ai 30 Domenech avec une burqa et coup du foulard. Des pros et des projets. Négro, j'ai des crocs, je veux des croches et des gros chèques. Des branches et vos grosses têtes, des rimes à couper le souffle. Sortez les ventolines, ta meuf s'est tellement fait sauter qu'on l'appelle le trampoline. Yo. Ma clique fusil de là, je pique une crise. Yo. Je passerai ma ligne de miel avec une apicultrice. Yeah. Hein? Yo! Yeah. Dinos, t'es chaud ou quoi? Et FSS, kick ce truc. FSS, capsule corp. Yeah. Aïe, ok. Pour être triché, aller gérer à Anguin les pas. La mort d'un être cher sera toujours au-dessus de tes moyens. Ta meuf n'est pas belle, le Marlige, vas-y, mon son, mets-le. Oh, bande de Winnie l'ourson, vous le kiffez, que les sons, miez-le. Oh, si c'est pas visible à l'œil nu, t'as qu'à habiller tes yeux. Le rap, c'est pas le bus, c'est moi qui viens prendre la place des vieux. Quand je vois les keufs, je suis pas un bœuf, pourtant faut filer. Car tous les jours, je fume du pilon, des pilons de poulet. Je connais que de taga, pas de gaga, négue des beaux caca comme caca. T'es que niki, tiki, taka, tiki, taka, tiki, taka, tiki, taka, taka. Je grave le plus comme Busta Rhymes, pas content. Va baisse ta race, ouais. Petit dédicace à ta russe. Esquive rapide en Vespa. Ah, MC, t'es un homo normal, que tu te fasses lessiver. Écoute, bitches, t'es une bombe seulement quand tu te fais sauter. Joue pas la miss, t'inquiète, j'te les miss, t'inquiète. Rachèque dans le 4-4, get, get, ma, get, get, bah, t'inquiète, get, pas. Bientôt, tu lècheras mes casquettes, bah. J'm'en fous de tes agissements. Molar en pleine face, j'me fais des go rapidement. J'les appelle les go face. J'sais pas si t'y es, get l'habilité. J'ai des milliers, t'en t'y limiter. Que j'vais débiter, get l'habilité. Tu fais pitié, j'suis le pilier, j'vais te pilier, j'vais t'humilier. Ok. T'as qu'à la tago, j'attaque ta go, comment gâte, tu gâte, tu gâte. Que des gâte. Dès qu'on décale la bécane à 4 ans pour t'estomaquer. T'inquiète, mec, que t'es caisse, tu perds ton make-up, donc vas-y, pète, pète ton bucket. J'sais que tu sais que ton cul, c'est que dès qu'un mec que te guette de son Q7. Oh, aïe, yeah. Je ne fais que taper ça, aïe, yeah. Je sais que tu finiras, aïe, yep. Je la mets dans le boule, aïe, aïe, aïe, je la mets dans le boule, aïe, aïe, aïe, je la mets dans le boule, aïe. Je mets classique au texte dans mes poches, c'est la merde. Pile au tiers, je colore et le verbe à la base qu'il y a. Me dis pas ce qu'il y a. Y'a des bords, y'a des bords, dis-moi les tasses qu'il y a. Et à la base, y'a que nous. Que les meufs se rasent pour la langue du bateau. Il manque une case, une erreur de parcours. Je me suis fait une place sans demander pardon. Par contre, pour un 16 ou un 12, appelle monsieur Haussmann. Pour une baisse ou un boule, bah moi j'appelle Asma. Elle est belle et douce, elle met des rasmas. Roule comme un rasta, fume comme une Aston Basta. Si y'a moins de digo, sont les mecs sur ma tête indigo. Pars dans mon casse dans mon homme pote dino. Spot au ta gueule dans la batte. Capèche abricot. Beurre dans le Twingo. Pour mes gars et mes go. Rallume le mégo. Sous swag, sous square, à quelques semaines, ma paire de on. Yeah! Yeah! Sous square, apparence! Apparence, négro! Apparence, hey! Apparence, négro! Apparence, ya! Apparence, yeah! Et si des fois je regarde derrière, c'est pour savoir si mes amis suivent. Ne pense pas en faire partie, c'est la réalité t'esquive. Équipé de la tête aux pieds, vêtu SKW. Ne pense jamais en revenir, si de ma vie je t'ai écarté. Sous les bitches fait que les parfaits, bizarrement ils font qu'apprécier. Jamais senti menacé, jamais senti menacé. Si je suis le meilleur, mon équipe l'est certainement. Ouais, on les attaque sans gants, on les détrace car on n'a plus le temps. Je reviens plus fort à chaque couplet, cette fois tu vas le constater. Je rappe même quand je parle, en vrai parle rap, je suis habité. Ça vient du 1-2-0, tout part du 1-1-9. Pas de bluff ici, donc fais pas de mal à ma Courneuve. Expert en la matière depuis l'époque du terre-terre. Carrière exemplaire pour faire plaisir à permettre. Pour faire la concurrence, je m'en débarrasse comme Dexter. Je compte faire du nettoyage, donc fuck mes futurs ex, frère. Square, ma gueule. C'est Dino, ça apparence dans les bacs, elle est plus chaud. Merde. C'est ce qui est chaud, ya. C'est de la merde, ou quoi? Ya. On est là pour tous ceux qui m'écoutent, frère. La Courneuve, ok, ok. La Courneuve, on est là, gros. La Courneuve, la Courneuve, la gueule. Flex 73. Flex 73, chaud comme la braise. Rappeur unique, magnifique de toute la thèse. Balzac, bâtiment 16, ça c'est mon fief. Flex au mic, te baisse et te rebaisse. Depuis mes 18 ans, j'ai plus connu la reste. Y'a quoi sans mordre les dents, toi t'es trop en baisse. Aujourd'hui, Dinos, putain de gros lève. À la Courneuve, t'as plus quoi qu'on était à la trêve. Eh hey, gros, aïe, la Courneuve, 93-120. Avec Bramax, on est là, ma gueule. Talent lyrical, okay. La Courneuve, au okay. Belga, ma gueule. Okay. Balzac, okay. Oh, I wanna rock right now. Négro, j'ai dit I wanna rock right now. Pas mal de la capsule, mais négro de pétron là-dedans. Yo, Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg, qu'est-ce qu'on attend? J'ai 37 ans d'avance. Invite-moi sur ta mixtape, yeah. Si tu veux te faire mettre à l'amende. J'suis décalé, j'écris mes textes ce soir à partir de minuit comme un fou. Quand yeah. j'ai plus d'inspi, j'ai des vidéos de BBW. Ah. Dino, je libère mon esprit. Yeah. Et quand j'écrase, je me transforme en esbil. Des phases de guerre, je peux te calciner sur un couplet. Un crâne de pierre, je peux te lapider sur un coup de tête. Ces rappeurs en déclin veulent faire des rimes de jeunes. Négro, t'as 40 piges, tu parles encore de 10 de seum. Renoir, je sais pas, t'es qui, t'es pathétique. Je dégomme ta sale tête. De toute façon, t'as pas d'équipe. Mon seul ami, cet homme de MySpace, des questions existentielles. En romançant mes histoires qui se ressemblent, ça semble ok. Mais comment font les Chinois? Tesla yeah. kick et tous mes gars t'explosent. Négro, je suis attendu comme le retour de méga upload. Apparence, hey. Que ce gros, la corneuve. Jir. Non. Jir. Jir. Waze. Waze. Waze. Waze. Ok. J'attends pas, j'te lâche des gauches droites. T'auras la bouche de Zavata. Ton rappeur a peur des bafiaques en justice. Qu'il m'attaquera, fais gaffe, j'suis pire que le sida. J'tue le tocard qui m'attrapera, j'vis pas Hakuna Matata. Plutôt sale connard, la tata. T'enchaînes, c'est la rafale. Tu bouges la tête comme un autiste. Pauvre type, je m'entends pas avec toi. Quand tu rappes, j'attrape au titre. Sure. Petit, tu calmes. Tes meilleures faces tiennent sur un post-it. T'inquiète, je suis pas fan de la traîtrise. Je ne mets pas de coup bas, je mets des low kicks. Sure. Low kick dans la cuisse. Et tu sens plus tes yep. Comme d'hab, tu vas manger et tes potes ramasseront les miettes. Propose un combat, mon vieux. J'ai à d'y être. On m'a dit que quand on dit dans ton équipe, y'a pas un qui t'aide. T'as peur du sang. Comment oses-tu parler de grosses coupures? T'es le ceinture noire des salopes. Pour toi te battre c'est faire que des coups de pute. Tu dégoûtes plus qu'une grosse pute trop moche. Que tu embroches, tu accroches aux branches. Gros tu forces. Ouais. Je fais du rap, j'ai la gueule d'un moniteur de ski. Et des claques dans la gueule, j'ai appris à Veski. Et du rouge sur la queue dans la bouche de Nesrin. J'ai la part, j'ai la clé, je suis caché comme Esrin. J'ai la barre, pas la tête, maman je te remercie. J'en fais trop, je me la pète juste pour te faire chier. Tu me regardes à la télé, imagine à Bercy. On t'a dit que je suis fêlé, imagine moi si. Je me fais sucer en marchant, en me tâchant. Deux fois par jour sur le marchand, de rêver d'argent. Dans ce rap, je suis en marge, il est tard, j'ai plus d'énergie. Bouffé des chatons, fini par miauler. J'ai étouffé les chèques dans un coin de ma piolet. J'ai pas touché de chèques, j'ai dû enlever mes chaînes. Et si t'habites ta chaîne, faut que tu cours ou tu lèches. Apparence, négro. Apparence, négro. Apparence, Bibi lâche une chaleuse, ma gueule. Gardinos, gros. Bibi Pac-Man, négro. Check. Dans la surface, prends des balles dans la tête, à force de camper. Je me suis reposé, je suis revenu plus fort, mon talent s'est décanté. Mental de fer, les coraux séparés. Je te pénètre, ça fait de là, c'est trempé. Puis j'ai vu dans la moelle, je ne peux pas me tromper. Oh, niquez vos mères, on touche pas mes négros. Les représailles arrivent, protégez vos chicots. Toutes vos chicots, ce qu'on va vous faire ne se trouve pas dans le zico. Pas besoin de s'affoler. Oui, j'y coupe des tas de chaps, c'est mes reprises de voler. Font la sorte d'oreille et finissent par gueuler. Avec Costan, on voit vos câbles, ça s'envoler. Négro, c'est la guerre et on met une sur le char. Il a les bons tuyaux, on fout FS sur mon char. Bastard à la prod, côté beatmaker, on prend des poitiers à 6h, t'entends la part, mec, c'est Bibi, c'est pas les ch'tards. I know it, j'ai l'insolence qui attire les bombes atomiques. C'est juste toi, j'ai disparaître, la concurrence comme un fouille. Négro, mets notre salle pour voir ce que t'as. Ouais, gros, la Courneuve. Là, dans le studio, ma gueule. Apparence. Aïe, aïe, aïe. Apparence. Square. Apparence. Lex 73. Apparence. On connaît, gros. Apparence. Nouveau clip disponible. Apparence, les gros. Apparence. Yo, check. Oh. Punchline Novich en chair et en dinos. Tesla clic et tu te fais enterrer en 10 secondes. Je te fais perdre connaissance comme Tiny Tempa. Tu m'aimes pas parce que je dis tout haut ce que tu ne penses même pas. Je fais péter la prod et je fais le reste. La vie c'est triste, Jamel Debbouze, je peux pas jouer à PES. Comme d'hab, je fais péter les décibels. Je suis l'exception qui confirme le double décimètre. Yeah. Comme tout négro sur terre, je vais toucher le pactole. Avant de te mettre du fond de teint, va te mettre du blacktop. Pour voir un autre MC comme moi, faut compter 100 ans. Je prends du plaisir en descendant, c'est condescendant. Cabronito, j'y passe en plaisantant. Aïe. J'aimerais tellement voir le sourire d'un condescendant. Gonzalo, Lil Wayne ou Ronaldinho. Tu fais sucer par nos riches sur un air latino. Aïe. SPA, SPA, apparence. Sois tu ma gueule, va pêcher ça. Ok. Aïe. Quand je sais ce que je suis capable de faire, je me vois en haut et pas ailleurs. On soulèvera la relève, c'est écrit dans le livre d'ailleurs. Vérifie tes dires, ça peut se retourner contre toi. Mise partout sur le rap, négro, tu finiras sans emploi. Âme de guerrier, avant que je rappe, on m'appelle spatiate. Après chaque passage, meurs d'un arrêt cardiaque. On rappe nos villes, rappe la nôtre, voilà le contraste. Et j'ai pas attendu Léonidas pour contre-attaque. Manigan sur manigan, morceau après morceau, ils se décomposent dans le sol du game. On retrouve les morceaux. SKW ça sonne vrai, les autres ça sonne faux. En bas d'échelle ils gueulent mais personne les entend gros. Je traîne avec les mêmes, dans le rap j'ai même pas de poteau. Dans le rap j'ai même pas de poteau. Aïe aïe aïe, square ma gueule. Oh, oh, je viens de rêver du succès, ça fait 2 ans que je me cherche en cours, mais attends, je te vois. Check, Bibi Pac-Man. Wow, oh. Yeah. Je viens de me réveiller d'une sieste, ça fait 2 jours que je sèche les cours. Mais je suis tellement intelligent que les profs me font des courbettes. Oh. Je suis devenu paresseux et j'en ai des bourrelets. Je me suis retroussé les manches et Mark Landers copie mes ourlets. C'est ton tour mec, les flics te tournent autour. T'écris ton blast dans ta tour, donc maintenant grave le sort tes gourmettes. Plutôt gourmet, ça fait des barbecues. Et quand c'est la guerre des voisins, ramène ton gun et Julien Courbet. Oh, Bibi Pac-Man nigga. Tu sens la frappe, ça vient du King Park nigga. Apparemment moi je tire à côté, se prennent pour Benzema, mais c'est Zaya qui fait les mauvaises passes les deux. Oh, ce truc est chaud. Sous quoi. Ramène les petits bâtisses, on va voir ce que ça fait. Il est là gros. Aïe, tire. Carrément, on enchaîne ce truc. Attends. Hey. Hey. Apparence. Apparence. Hey. J'ai l'album à Ginos dans les bacs. Yeah. Hey. Apparence, yeah. Benchlinovic. TFJ, ah. Gros. Ah. Yeah. Oh la Ketal. Oh la Ketal. Oh la Ketal. Oh la Ketal. Oh la Ketal. Oh la Ketal. Oh la Ketal. Oh la Ketal. Épée bleue prête pour un combat Jedi. Rien n'a changé, c'est toujours moi. Je me lève tôt tous les matins et le monde m'appartient toujours pas. Je fais que des versets, des versets, des vers stylés. Donc viens pas me chercher ni me faire chier, j'ai de faire saigner. En moi j'ai la fougue de Troyes, les perspectives sont percées de faire un feat avec moi-même. Même en étant seul, je suis mal accompagné. Mal accompagné, mal accompagné. Ah, tout ce que je raconte se passe dans ma tête et pas en vrai. Je pensais être mon pire cauchemar, même pas en rêve. Yo, enchaîne ce truc, négo. Sous square, tiens. Audi, Audi, hey. Rien à branler du 31, j'ai ma bouteille, ma bite. Rien à branler du 31. Yo. Rien à branler du 31. On est là dans le studio, gros, ambiance. Rien à branler du 31, j'ai ma bouteille, ma bite, mon couteau, passe ma nuit devant la télé. Match une bande de connards sous coque, je suis un enfant de la télé. Marc Dorcel et Walt Disney, chez Cassien, Maëlé, Zap la 8 et la 17. Je suis le fils caché d'Antonio dans la ville connue, reconnue. Putain, fou, ne sait pas nos oignons, moi c'est Tony, pas Anthony. Y'a que les chiennes qui veulent mon collier, ta soeur saute comme une planche, mais j'ai toujours pas faire holy. Je veux le bord de Chiwali, voilà, mais pas trop salis, mala, square au Mali, j'ai là-bas en Cali, papa, dédicace, Tinas à Abu Dhabi, au tas qui se déshabille, à la cousine d'Isabelle. On m'a dit tu te la raconteras, mais j'ai jamais contredit. Je me gratte le bras pour un contrat comme un toxique au fils. J'irai bien vivement dimanche ou montrer mon cul chez Arthur, prendre de la coke en aliment, être un gangster comme Balladur. Avant, j'avais des principes et des bonnes résolutions. Les blèmes à la racine et je trouvais même des solutions. Ouh. Maintenant je m'en bats les dougas, 2000 putains de carrosses. Je me prépare pour les sougas, c'est Dino sur Skyrock. Pause. T'es comme quand tu causes. Arrête de croire que t'es fraîche, t'es pas bonne, t'es juste grosse. Ta meuf est en plastique, c'est pour ça que c'est une beubon. À quoi sert ton piercing sur la langue si c'est pas pour pépon? Passons, t'essaye de me casser, mais moi je suis rude comme le glaçon. De toute façon, je suis en ciment, mon père m'a mis des baffes de maçon. Toi petite groupie qui ne fait qu'user tes lèvres, te faire fourrer par une star ne te rendra pas célèbre. Hein. Tu parles de toute l'ego, mais tu ne vois pas que ta sœur elle se donne. Ta meuf prend tellement bien, je crois qu'elle a Parkinson. Tu devras protéger en disant Dieu seul peut juger. Sale bitch, personne te juge, on te dit juste la vérité. Hein. Tu parles avec tous les gars, tu dis qu'il n'y a rien dans tous les cas. Mais arrête ton blabla, t'es respectable ou tu l'es pas. Tu connais le radiateur, Titi est toujours attaché. J'ai le fil conducteur, tous tes plaisirs sont passagers. T'es qu'une rapzouze du bled, viens pas jouer la brésilienne. Rien qu'il pleut les bitches, il fait un temps de chienne. Ah, pas de chichi, tu sais qu'on est pas dupe. Pourquoi tu fais ta pute si t'en es pas une? Tu t'es fait fourrer par tous les mecs qui étaient pas dignes. Donc arrête de faire le suivi que t'es dans le din. Ah. Punchline Novich, punchline Novich, yeah. Punchline Novich, négro punchline Novich. Punchline Novich, punchline Novich. Punchline, ok. Je passe mes nuits à fignoler des sons, je les vois rigoler, mais bon, ils peuvent pas m'ignorer, c'est con, ils se branchent sur prioré de Sion. Ah, tous ces jeunes schlag finiront par m'offenser. Avant de me parler punchline, commence pas me parler français. J'arrive dans le game, je vise le top, je baisse tout, je rentre un vibro dans la schneck en disant God bless you. Ah, je lâche des rimes clean en freestyle, les victimes hurlent. On m'appelle 09, j'ai des rimes qui tuent. Quand j'arrive, ta team Bali, je fais gémir. On joue à saute-mouton le jour de l'aide d'El Kébir. Les négros partent sur moi, qu'on des bullshit. Pareil que je prends de la 16, pareil que je suis en prison, pareil que je suis bouddhiste. Sur le chemin de la gloire, faut qu'on y aille, mais pas qu'on divague. Attraper tous ces mythos qu'on mitraille. Mon petit cocon de hip-hop convivial, j'ai peur de la maladie d'amour. Je me demande si ça fait de moi un hypochondriaque. Garde ta rose. J'suis dans une tour de fourne et condamné à l'échec. Gasparov. Les MC comme moi, y'en a un tous les 100 ans. Si tu fais la sourde oreille, on pourra jamais s'entendre. J.I.I. Pécho apparent sur iTunes, ma gueule. Enchaîne, négro. Sur iTunes, gros. J.I.A. Dino Spokslajnovic. Hey. Hey. Hey. Hey. La Courneuve, la Courneuve, la Courneuve, la Courneuve, la Courneuve, la Courneuve, la Courneuve, c'est la Courneuve. Bob sur la tête comme un pasteur, j'ai mes pastas, ma bouteille de rhum de Bastia, all black tout comme un terroriste de Bastia, rêve mon rasta, on te réveille comme une bastos, j'ai mon matos comme le plombier d'un porno et je pose pas gratos qui va payer mes Jordan, un couplet gratté et ta femme se retourne, je suis un enfant gâté quand ma bite se retrouve, sa bouche est touche comme toi après me couplet, elle m'a dit prends une douche, mélanger savon et moelle, négro tu te touches, j'ai la mitraille des dégâts, une tête de ouf, de la vodka dans mon déca, tu veux qu'on te mousse, by carte, j'ai mon équerre, une paire de ouf, faut du blé pour mon nec, tu ne rêves pas, on est sur les ondes, ha, réveille-toi au moins quelques secondes, y'a c'est sous square mon pote. Apparence mon pote, la Courneuve mon pote, regarde-moi en face, arrêtez de parler dans mon dos, suppression maison me plate, arrête de cracher dans mon dos, arrêtez de baver dans mon dos, dans la cour sont tous à la ramasse, font de l'ombre à mon dos, pour les magiciens ne parle que de magos, allez-y continuez de jacter des magos, on a quitté la merde et l'esclavage, mais ça continue de fouetter dans mon dos, fuck les cyber et fuck SFR, tous ces fils de pute font la course aux abonnés, non, on va pas se laisser faire, je vais les couvrir, je vais écouter des gros bonnets, non, démontrer ma prépondérance, ils ont pu les enfants comme des fesses, silicone et des pétasses sur mon traîneau. Deux fois plus habile qu'un jockey, j'ai le permis double poney now. Wouh! Hey! Pac-Man! Je vais faire un truc classique, vous allez me suivre, les mecs! Yo! Et ça fait 12 mesures de guerre! Concurrence à terre! Aïe gros, j'ai tout un crew en dessous de ma paire de Nike! Ma paire de Nike! J'm'amène le rap guerre! Si j'fais disque d'or, j'rachète le grec de ma thèse! A l'aise, ma mère! J'éclate les Wacken! Hey yo, Renoir, j'm'appelle Jules, j'suis né par Césarienne! Et par césarienne, vos langues transforment en maltonnette. J'passe mes vacances sur la lune Apollo 13. Où j'me barre en croisière, j'me barre en croisière. Au Langaro sous le casino, j'touche le jackpot en 3-7. Mets du son dans la benne. Mets du son dans la benne, suffit d'un headshot pour te mettre du plomb dans la tête. Moi, j'm'applique et j'kick sec. Ma rime se disperse. J'aime le rap français. Merci Jackie et Michel. Merci Jackie et Michel. Les négros foutent les nerfs. Vous prenez pas pour Moïse, on a dit pas les mères. Merde, je répète pour 4-5 frères. Le savoir est une arme, j'ai un bac plus 3-5-7. J'ai le bras long comme Piccolo, ils sont verts comme des Namek. M sur le front, je suis l'héritier du front des Saiyens. Moi, j'ai tendu la main, j'ai fini Théodore Bagwell. Depuis, je suis comme Zidane, je sais plus où donner de la tête. Ah, avant de parler de rap game, déclare-toi l'assassin. Moi, je suis peut-être sur Detox, moi, mais tu le sauras jamais. Bang! Bang! Négro, bang, bang, apparence négro, apparence négro, ça fait apparence. Et je vais me poser sur Namek, Namek. Apparence négro, apparence négro. Elle se met en poil dès le premier soir, puis me dit c'est la première fois de sa vie qu'avec un gars ça se passe comme ça. J'y crois pas, tu me prends pour un teubé, vu comment tu pépons bien, ça se voit que t'as du métier, mais c'est sûr que ça tombe pas rond car on te baisse. J'aimerais bien que ton daron t'ajoute sur Facebook pour qu'il voit comment sa fille n'est pas aussi clean qu'elle le dit. Sous tige tous les vendredis, mais d'Aftar les quittes que dit. Mais c'est du pourquoi nous voulons que ton cul, parce que t'es une pute. 0€ pour ses sus, c'est ton salaire brut. Viens pas jouer, t'as la coup t'a quitté. T'as pleuré quand t'as coup t'a quitté. Oh, c'est à coup de toi pédé qu'elles sont d'une grande boucle à quitter. Hey, je te frappe le riz, je m'en bats tous les. Faut pas tolérer, je vais pas t'aider. Je vais accélérer, je vais pas te céder. Je vais pas tolérer cet tas de pédés. Le feu de Satan, c'est ça que t'attends. T'es pas content, j'ai pas ton temps. Pendant longtemps, tu te payes du bon temps. Le montant, tu le payes content. Ha, mais les miches tous, c'est comme les chats. Quand un dog graille, ça se frotte à toi. Fais le resto, tu touches les seins. Tour en mer, côte, tu te vides, t'es bien. Aïe, apparence. Merci. Aïe, toujours disponible. Ouais. C'est le freestyle avec mes négros, Carino à ma droite, Flex à ma gauche, Sport à ma gauche, de la Ramax, mon négro du 4-Cus, FSS, Swayze, mon négro. Hi. Y'a qui d'autre? Bibi, mon négro, Bibi qui est en concert le 24 mai avec la BTPKR au Glazar. La voilà Courneuve, gros. Et bah, merci à vous, messieurs. Merci, Fred. Yes. Merci à vous. Une grosse dédicace à la Courneuve, évidemment. Merci. Yes. 93. Tous les jours. Là-bas. T'as tous les rappeurs de la Courneuve qui ont pas pu venir. Voilà. Junai, Kaimer. Tous les mecs que j'ai vu. Rogis. Rogis, tous mes négros de sûr. Assos, wesh, Capone, wesh. Merci à vous. Juste avant de te dire au revoir, on fait tourner rapidement la roulette. Attendez, je fais tourner la Skyroulette là. Pour le spectacle de Nawel Madani dans toute la France. Allô, Manel de Lunel. Oui, bonsoir. Comment ça va, Manel de Lunel? Ça va très bien, merci, et toi? En pleine forme, bien. Ça va, Manel? Oui, ça va, merci. Ce soir, tu vas pas crier stop pour arrêter, tu vas crier Aga. Aga. Et tu vas voir que tu vas gagner. Allez, c'est parti. D'accord, allez. Aga. Quand tu veux. Aga. C'était parfait. Magnifique. C'est bon? Ah ouais, c'était bien. C'est parfait. Manel. Oui. Tu vas aller voir Nawel Madani. Trop cool, deux places pour Montpellier le 28 mai. Bravo, Manel, de la tournée. Génial. Le 21 mai. On te fait plein de bisous, Manel. Moi aussi, je vous embrasse tous. Et bon spectacle, kiffe bien avec Merci Nawel. Beaucoup. Demain, la dernière, Dinos, tu seras là? Ouais, on va. Demain, ça va être sale encore. J'ai encore une surprise pour vous demain. Un vrai bail. Le truc le plus chaud de la semaine. Et bah, allez mettre un truc chaud si c'est le clip qui est arrivé tout à l'heure. Le clip Paug sur mon putain de Vevo. Punchy Dinos Vevo. Sur mon Twitter, @punchydinos. Merci à ceux qui m'ont foutu en tété tout à l'heure. Merci à ceux qui ont kiffé le clip. Merci aux boules de folie qui sont dans le clip. Aux négros qui ont fait le clip. Charlie, les mecs du drone. Et voilà quoi. Et ben merci à vous tous. Demain le retour un petit peu avant 20h. Et là c'est parti, c'est la Radio Libre de Difool. Et oui Fredo, Radio Libre, c'est parti avec une grosse spéciale ce soir. Attention, ça va être merveilleux. Dans un instant on ressort le sexy au metteur pour juger le taux de sexy dans tous les membres de l'équipe. Ouais. Ça déjà c'est pas mal. Il y aura aussi le problème du mois à retrouver tout à l'heure. On arrive tout de suite sur Skyrock.